s'apprêture son opinion dans le jugement des complices de Catilina. César était prêteur quand on découvrit la conjuration de Catilina. La mort des coupables avait été résolue dans le Sénat d'une voix unanime. Lui seul opina pour qu'ils fussent détenus séparément dans des villes municipales et que leurs biens fussent vendus. Bien plus, ceux qui avaient proposé une peine plus sévère, il les effraya tellement par la menace réitérée des haines populaires qui un jour se déchaîneraient contre eux que Decimus Silanus, consul désigné, ne craignit pas d'adoucir par une interprétation son avis dont il ne pouvait changer sans honte, et qu'on avait compris, dit-il alors, dans un sens plus rigoureux qu'il ne l'avait voulu. César allait l'emporter. Déjà même un grand nombre de sénateurs étaient passés de son côté, entre autres Cicéron, le frère du consul. C'en était fait. Si le discours de M. Caton n'eût raffermi le sénat intimidé, César, loin de renoncer à son opposition, y mit une telle persistance qu'une troupe de chevaliers romains, qui gardait armée la salle du Sénat, menaça de lui donner la mort. Des glaives nus furent même dirigés contre lui, en sorte que ses voisins se reculèrent. Quelques-uns seulement, le tenant dans leurs bras et le couvrant de leur toge, réussirent non sans peine à le sauver. Alors, saisi d'effroi, il céda, et de tout le reste de l'année, il ne parut plus au Sénat.